et Piccolo. Ils viennent de tout là-haut. Je suis assis dans l'herbe, je joue de la guitare. Ils ne sont pas bien gros, quelques milliards de kilos. Ils sont si frêles, pourtant ils sont vraiment de masse. C'est de petits oiseaux, ils le sont vraiment trop. Ils veulent m'unir à eux pour partir en campagne, pour défendre les ruisseaux, les arbres, les minéraux, l'aider l'amour et pour chasser toutes les menaces. L'homme n'a pas le boulot, Station Ferry Fagot, crée des totems, des dieux ou des mâts de cocagne. Il tue les animaux, il assèche les cours d'eau. Laissons le faire, il n'y aura plus de montagne. Cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, si mon mon lit est cuit, tu peux rêver, l'ami, tu seras plus mon ami. Cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, si ton monde il est cuit, tu peux pleurer aussi, tu seras cuit aussi. Cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, si mon monde il est cuit, tu peux rêver, l'ami, tu seras plus mon ami. À trois, on fera trio, personne ne sera de trop. Très vite à nous se joindront grillons et cigales. Même y aura le corbeau, le frêne et le crapaud. Ceux dont à qui on croit, Bruis ou Picoas. Guitare, mi, fa, sol, do, à nous chanter solo. Toute ta musique sera utile, c'est capital. On n'en fera pas de bon, le monde il est si bon. Oublions-le et notre issue sera fatale. Que tous les grands flégaux, même l'homme le plus macho, veille s'y plier ou bien y plier ses bagages. Nous sommes maîtres animaux, l'homme n'est pas le héros, qu'il se conforme et non qu'il s'aime sa pagaille. Cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, si mon monde il est cuit, tu peux rêver, l'ami, tu seras plus mon ami. Cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, si ton monde il est cuit, tu peux pleurer aussi, tu seras cuit aussi. À ça de petits oiseaux, Pico et Piccolo. Cette chanson est destinée pour la bataille. Et plus on chantera haut, et de plus en plus haut, contre le péril on volera vers la victoire. Chantons être animaux, du plus laid au plus beau, pour que le monde soit meilleur et cesser le carnage. Pour que le monde soit meilleur et cesser le carnage. c'est le carnage. Cui, cui, cui, cui, cui, cui, si mon monde il est cuit, tu veux rêver la nuit, tu seras plus mon ami. Cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, ton monde il est cuit, tu peux pleurer aussi, tu seras cuit aussi. Cui, cui, cui, cui, cui, cui, si mon monde il est cuit, tu peux rêver la nuit. Tu peux pleurer aussi.